tous les jours du tournoi Bantam. On va rejoindre Pierre-Luc Ménard à l'aréna du secteur de Dolbo ou de Mississauga quelque part. Salut Pierre-Luc! Salut, oui, ça va bien, ça va bien. Donc, c'est la dernière journée d'activité. Question de nos équipes locaux, comment ils se comportent? Donc, en fait, ça va très bien pour les Italiens Normandais Bantam Bay. Ils viennent de remporter au compte de 8-0 contre les Chevaliers de Val-d'Alaire dans le quartier. La première demi-finale de deux, donc, accède à la finale dans le B ce soir, cet après-midi à 2h40. Okay. Contre les gagnants de la prochaine OK. Partie. Et donc, les matchs qui sont, le match qui est en cours pour déterminer qui va affronter les Éperviers, quelles sont les deux formations? C'est les Centurions d'Alma contre les Chevaliers de Val-d'Alaire B1 okay. contre l'autre équipe de Québec. Game qui devrait être serré, possiblement, peut-être les Centurions d'Alma léger avantage, mais c'est tout à déterminer. OK. Dans les autres matchs maintenant, dans les autres catégories, d'abord au niveau Dobelette, comment vont nos rapides? Ben, les rapides, heureusement, malgré quand même une très bonne partie hier soir, ils ont annulé contre les Hurricanes de MHTH. Ils ont travaillé très fort, ils n'ont pas été capables de se classer parmi les trois premiers, donc on n'assistait pas et demi. OK. Et maintenant, si on y allait maintenant avec les autres formations, est-ce que tu connais un peu les autres finalistes dans les autres catégories? Oui. D'ailleurs, le Bantama, après, on va les Sables de Robert-Lair qui vont rendre visite au Louis de la Chic. Louis de la Chic est une grande équipe, là, donc assez forte. Peut aspirer peut-être à la finale ou même gagner. Les Chevaliers de Val-d'Alaire, Val-Cartier, donc eux vont affronter les Aiglons d'Alma. Ça devrait être une belle demi-finale aussi. Donc, je pense que pour Val-d'Alaire, c'est le fun qu'il y ait trois équipes qui ont été en demi-finale. Bon, ça, c'est dans le A. Pour ce qui est de la finale du 2C, les Orioles de Jonquière, après quatre parties en ronde ruinaire, accède directement à la finale en terminant premier. Okay. Ils vont affronter soit les Patriots de Saint-Bruno ou les Hurricanes de Marseillage qui vont être en demi-finale à compter de 1h20 cette année. OK, OK. L'assistance, comment qu'elle se comporte maintenant? Est-ce qu'il y a du mou? Ça va très bien. Ça répond. La population répond encore à la tête cette année. Là, on a encore un bon niveau d'entrée. Les gens sont là. C'est sûr que là, en ayant les éperviers, ben oui. ils performent extrêmement bien dans ce tournoi-là. Ça amène une énergie, ça amène des gens à venir les voir. Puis, ça, c'est de tout à notre avantage. Évidemment, les rapides, là, donc cette peau de l'échinance, c'est toujours un peu plus tannant. Ben oui. Mais ça fait partie du sport. Donc, en fait, ça va très bien. Okay. Très OK. Donc, on rappelle, évidemment, et on remercie les nombreux commanditaires qui ont rendu possible l'événement. Sans eux, ben, ce serait difficile, donc il y a sûrement, bon, j'ai vu SBL, j'ai vu Toiture Gilles Veilleux, IGA, je crois, vas-y avec les autres. Ouais, en fait, ben, on a IGA, bon, SBL, Résolu, qui sont nos partenaires majeurs pour cette année, on les remercie beaucoup. Dans la catégorie or, on a les entreprises Piquette, Intersport, Centre Express, Chocolatier, les Pâtes Rapides, PR Metal. Donc, on les remercie. OK. Et on rappelle évidemment le prix d'entrée, parce que là, ça vaut plus la peine de prendre le passeport. Donc, le prix d'entrée est de? Oui, la passe pour la journée. Donc, 6 $ adulte, 2 $ adolescent. OK. Et on rappelle, et demain, Pierre-Luc, je vais te demander de revenir pour faire le bilan de tout ça. Oui, effectivement. Demain, je te rappelle pour... Okay. Les champions de chaque catégorie. Puis okay, voilà, donc c'était le reportage de Pierre-Luc Ménard en provenance du complexe sportif de l'aréna du secteur Mississauga.